Section 37 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 8, 4e partie. Le mouvement intellectuel. Par Henri Pirenne. Les origines. Il en est du mouvement intellectuel dans les Pays-Bas comme du mouvement politique et économique. Il ne se comprend pas et ne s'explique que par la situation intermédiaire qu'occupe cette région entre les deux grands États et les deux grandes civilisations de l'Europe occidentale. Espèce de Lombardie du Nord, cette contrée de grandes villes industrielles sans unité de race et sans unité de langue, ouvre largement ses frontières aux marchandises et aux idées de l'extérieur. Comme tous les pays où l'élément urbain l'emporte de beaucoup sur l'élément agricole, elle n'a guère connu l'exclusivisme national. Mais par là même, elle a pu exercer sur ses voisins une profonde influence civilisatrice. Les historiens allemands sont d'accord pour reconnaître que c'est par l'intermédiaire des Pays-Bas que la littérature et les arts de la France se sont introduits au Moyen Âge dans les contrées d'Outre-Rhin. Au début toutefois, aussi longtemps que la Lotharingie reste soudée à l'Empire et que son commerce gravite autour de Cologne, les pays d'Entremeuse et Escaut dépendent intellectuellement de l'Allemagne. Les écoles d'Utrecht, de Liège et de Cambrai, celles des grands monastères de Lobbes, de Saint-Trond, de Saint-Hubert, de Jean Blou, de Malmedy et de Stavelot comptent parmi les plus célèbres de l'Allemagne. Liège surtout est vraiment alors le grand séminaire du clergé germanique. On l'appelle l'Athènes du Nord. L'archevêque Günther de Salzbourg, 1024-1025, l'abbé Siegfried de Tergens, 1046-1068, Cosma, le premier historien de la Bohème, et bien d'autres y ont fait leurs études. On rencontre des maîtres liégeois à Mayence, à Ratisbonne, même en Italie et en Pologne. Nulle part peut-être la renaissance intellectuelle qui caractérise le règne de la dynastie saxonne n'a été plus active et plus féconde que dans la grande ville mosane. Sa réputation se répand jusqu'en France et jusqu'en Angleterre. C'est de ces écoles que sortent l'archevêque Morillius de Rouen et Léofric, évêque d'Exeter. L'influence française. Mais au XIIe siècle, le spectacle change. À mesure que l'ascendant de l'Empire faiblit, celui de la France augmente. L'Université de Paris attire bientôt les étudiants de toutes les parties des Pays-Bas. On y accourt même du fond de la Frise. En même temps, du jour où la littérature en langue vulgaire commence à se développer, les provinces du Sud, Artois et Hainaut, qui sont pays de langue française, prennent une part active au mouvement. Dès le XIIe siècle, Arras est un centre littéraire important. De là, l'influence française gagne de proche en proche, non seulement les contrées où le roman est la langue maternelle, mais aussi la Flandre flamingante. La Flandre est, en effet, environnée de pays de langue ou de littérature française. Au sud de l'Artois, à l'ouest l'Angleterre, à l'est le Hainaut. Elle ne se rattache que par le nord au monde germanique et, comme au commencement du Moyen-Âge, elle est plus civilisée que ses voisins de Hollande et de Brabant, elle échappe à leur influence. Aussi y voit-on la littérature française favorisée même par des princes ennemis de la France. Exemple, par Philippe d'Alsace. C'est à lui que Chrétien de Troyes a dédié la plupart de ses poèmes. Sous Jeanne et Marguerite, sous Guy de Dampierre, on ne parle plus guère que français dans l'entourage du comte. La noblesse et la haute bourgeoisie suivent l'exemple du prince. Les jeunes nobles et les jeunes patriciens sont envoyés à Tournai, en Artois, en Picardie, pour s'initier au beau langage. Dès le XIIIe siècle, la chancellerie comtale est bilingue. De là, nécessité pour les scribes des villes et pour la plupart des fonctionnaires de savoir le français. Bref, on peut dire qu'à partir du règne de Guy de Dampierre, l'emploi des langues en Flandre ne diffère pas beaucoup de ce qu'il est aujourd'hui. La littérature flamande. La connaissance très répandue d'une langue étrangère n'a pourtant pas empêché, dans la région flamande, le développement d'une littérature nationale. Mais, comme il est naturel, celle-ci a débuté par des traductions. Déjà, à la fin du XIIe siècle, le limbourgeois Henri van Waldeck a mis en vertillois l'Énéide de Benoît de Sainte-Maure, et son œuvre va bientôt, au-delà du Rhin, appeler l'attention des poètes allemands auxquels elle fait connaître les chants des trouvères français. Au XIIIe siècle, le mouvement continue. Flore et Blanche Fleur, Parthénopéus de Blois, Lancelot, Gauvin, le roman de Fréjus sont traduits, adaptés ou imités. Mais cette littérature chevaleresque, artificielle et galante, ne pouvait rester longtemps en vogue dans un pays où la bourgeoisie éclipse bientôt la noblesse. Si c'est encore de modèles français que s'inspire Maître Guillaume, l'auteur du Renard flamand, Van den Vos Reinhard, milieu du XIIIe siècle, le choix du sujet indique pourtant déjà qu'une réaction est proche. Ce n'est plus la glorification, c'est la satire mordante des mœurs courtoises qui cette fois a tenté le poète. Bientôt, Jacques van Merlant, 1235-1300, inaugure le genre qui convient le mieux à son peuple sérieux et pratique. Il rejette en bloc tous les poètes français qui, dit-il, riment plus qu'ils ne savent. Il veut être vrai avant tout. On ne trouvera dans ses vers ni les rêveries de Madoc, ni les bourdes de Renard ou d'Arthur. C'est à des modèles latins qu'il s'adresse. Sa Bible rimée, Rime Bibel, est écrite d'après Pierre Comestor, son miroir historique, Spiegel Historiel, d'après Vincent de Beauvais. Du reste, il est plus qu'un simple arrangeur. Son Wape des Martings est une œuvre originale, espèce de diatribe mordante contre la société du temps, qui, du vivant de l'auteur, a eu les honneurs d'une traduction française. La popularité de Maerlant semble avoir été très grande, et en tout cas, il a exercé une influence considérable sur le développement de la littérature néerlandaise. Ses compatriotes le proclamèrent le père de tous les poètes tiois. Die Vader, der Diechter, Dichtren, Algader. On retrouve dans Jan Steistey et dans Leken Spiegel du Brabançon Boendal ses tendances didactiques et morales. D'autre part, son Spiegel Historiel provoque la composition d'une foule de récits historiques en langue vulgaire destinés à remplacer les romans de chevalerie. Jan van Helu raconte la bataille de Waringen, Louis van Weltem celle de Courtrai. Un peu plus tard, Mélis Stouk écrit la chronique de Hollande et Boendel compose ses Brabantsch Gesten que des continuateurs poussent jusqu'au commencement du XVe siècle. Toutes ces œuvres ont conservé la forme de la chronique rimée. La prose flamande n'apparaît que relativement assez tard. C'est au mystique Runesbroek, 1294-1381, que revient l'honneur de l'avoir rendu capable de se prêter à l'expression des sentiments les plus délicats et des nuances les plus subtiles de la pensée. La littérature en langue française. La littérature en langue française dans les Pays-Bas s'inspire en général des mêmes sentiments et dénote la même tournure d'esprit que la littérature flamande. Les trois poètes principaux du Hainaut, Baudouin et Jean de Condé, Watriquet de Couvin, ont composé un grand nombre de dits moraux où l'on surprend des préoccupations analogues à celles de Van Meyerland. Le goût de l'histoire est aussi très marqué chez les écrivains wallons. Au commencement du XIIIe siècle, Philippe Mousquet rime une longue chronique qui va de la prise de Troyes à 1242. Mais la prose ne tarde pas à se substituer à la forme poétique. Déjà, en 1225, c'est en prose qu'un scribe anonyme écrit pour Roger, châtelain de Lille, un livre des histoires qui est bientôt traduit en italien. une ancienne chronique de Flandre et la chronique faussement attribuée à Baudouin d'Avesnes suivent d'assez près cet ouvrage. Au XIVe siècle, on rédige une importante chronique connue sous le nom de Continuation des chroniques de Baudouin d'Avesnes et qui jouit dans les Pays-Bas de la même autorité qu'en France les grandes chroniques de Saint-Denis. À Liège, le crédule Jean d'Outremeuse, 1338-1400, est l'auteur d'un Mireur des Histoires et Jacques de Hemricourt, mort en 1403, dans son récit des guerres des Awans et des Warous, nous a laissé un tableau coloré et pittoresque des mœurs de la chevalerie espignonne. C'est un Liégeois encore que Jean le Bel, mort en 1370, le modèle de Froissart. Avec ces deux auteurs, la littérature française dans les Pays-Bas perd son caractère local et son goût de terroir. Sous les ducs de Bourgogne, elle acquiert une renommée européenne avec les artésiens Monstrelet, 1390-1453, Lefèvre de Saint-Rémy, décédé en 1468, Jacques Duclerc, mort en 1469, et les flamands Comines, 1445-1509, et Chastelin, 1404-1475. Les chambres de rhétorique. La littérature populaire, dédaignée par la noblesse, continue à fleurir dans les villes. Les chambres de rhétorique en sont, au XVe siècle, la manifestation la plus intéressante. L'origine de ces chambres doit être cherchée dans les confréries, ou puisses, en l'honneur de la Vierge, constituées pour représenter par personnage les miracles de leur patronne. De très bonne heure, il y a de ces puisses à Arras. Bientôt, on en rencontre aussi en Hainaut et en Flandre. Peu à peu, sous le nom de chambre de rhétorique, ils se répandent dans toutes les provinces. La chambre l'Alpha et l'Oméga d'Ypres existe déjà au XIVe siècle. Les villes organisent de bonne heure les concours dramatiques, Landjuaulen, à côté des concours plus anciens d'arc et d'arbalète. En 1455, au Puy d'Amour de Tournai, 52 villes différentes se disputent le prix, consistant en deux gobelets couverts, chacun de 2 mars. Seulx de la ville de Lille s'est acquittèrent bien touchant les jus de personnages qui se fessent des vespres et aussi firent ceux de la ville de Ypres, les ungues en langue franchoise et les autres en flamangue, et pour ce gagnèrent, pour le mieux savoir fait, chacun en sa langue, les dessus dits deux gobelets. On peut juger par cet exemple de la faveur dont jouait alors la littérature dramatique auprès de la bourgeoisie. Plus tard, au XVIe siècle, les chambres de rhétorique prendront une part active au mouvement intellectuel provoqué par la Réforme. La littérature latine. La littérature latine, dans les Pays-Bas, se caractérise par les mêmes allures pratiques et didactiques que la littérature en langue vulgaire. Les hautes spéculations théologiques ou philosophiques lui sont restées étrangères. L'Université de Paris attirait d'ailleurs invinciblement les esprits avides de fortes études. Henri de Gand, le seul des grands scolastiques de Moyen-Âge qui soit né en Belgique, a passé presque toute sa carrière au bord de la Seine. Au XIVe siècle, la décadence des anciennes écoles de Liège est complète. Pétrarque se moque, avec une certaine exagération sans doute, de cette Bona Civitas Barbarica, où il a eu grand-peine à se procurer de l'encre. Jacques de Guise reproche de son côté à ses compatriotes de n'avoir de goût que pour les scientas grossas atque palpabile. Ici encore, pourtant, il faut faire exception pour l'histoire. Du Xe au XVe siècle, la Flandre, comme la Lotharingie, présente une suite ininterrompue de chroniques et d'annales, si riches que peu de pays en Europe en possèdent de semblables. Au XVe siècle, toute cette littérature historique vient alimenter le Magnum Chronicon Belgicum, et l'historiographie provinciale se fond ainsi en un seul tout, au moment même où les diverses provinces se réunissent sous le sceptre des ducs de Bourgogne. L'instruction publique. Si les hautes études n'ont guère fleuri dans les Pays-Bas avant la Renaissance, l'instruction semble y avoir été assez répandue au Moyen-Âge. De très bonne heure, les villes organisent des écoles où les fils des bourgeois viennent apprendre l'écriture et le calcul. Au XVe siècle, les mystiques, Goethe, Grote, surtout à Deventer, s'occupent de questions de pédagogie. Les établissements d'enseignement, fondés par les hiéronymites, combattent la routine et vont contribuer puissamment au progrès de la réforme. D'autre part, la création de l'université de Louvain en 1432 rend le pays indépendant de l'université de Paris, comme le parlement de Malines le rend indépendant du parlement royal. Il a désormais sa grande école nationale, et si les commencements en sont peu brillants, elle jettera, au XVIe siècle, le plus vif éclat, et méritera, comme Liège 400 ans auparavant, le nom d'Athènes du Nord. L'art dans les Pays-Bas, l'architecture. Tandis que, dans l'histoire littéraire, les Pays-Bas n'occupent qu'une place secondaire, il en est tout autrement, comme on sait, dans l'histoire de l'art. Mais ce n'est toutefois que lentement que leur originalité s'est dégagée. Pour s'en convaincre, il suffit d'étudier le développement de leur architecture. De très bonne heure, dans ces riches provinces, on a construit beaucoup et de très belles choses. Mais pendant longtemps, par leur style, leurs plans et leur allure, les monuments sont allemands, comme les églises romanes des bords de la Meuse, ou français, comme la cathédrale de Tournai, le chœur de Sainte-Gudule de Bruxelles, ou le chœur de Saint-Martin-d'Ypres. À partir du XIVe siècle, on commence à voir l'art national s'affranchir. L'ornementation devient plus indépendante des modèles étrangers. La disposition des édifices affecte des formes qu'elle n'emprunte à personne. Église de Saint-Rombaud à Malines, de Saint-Bavon à Gand, façade de Sainte-Gudule et église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles, nef de la cathédrale d'Anvers, église de Hoogstraten, de Saint-Gomer à Lierre, de Saint-Jean à Bois-le-Duc. Toutefois, ce n'est point parmi les édifices religieux, c'est parmi les édifices civils qu'il faut chercher les chefs-d'œuvre de l'architecture des Pays-Bas. Ici encore, comme partout ailleurs, on sent agissante et féconde l'influence des grandes villes. Dès la fin du XIIIe siècle, on bâtit les halles d'Ypres, dont la masse imposante et les lignes sévères produisent un effet incomparable de force et de majesté. Bientôt après, on élève le beffroi de Bruges, à la fois si fier et si élégant. Au XVe siècle, enfin, au moment où déjà la Renaissance triomphe dans le sud de l'Europe, les architectes des Pays-Bas restent fidèles à leur style national et produisent ces bijoux de pierre d'une grâce et d'une richesse sans égale, les hôtels de ville de Bruxelles et de Louvain. À côté de ces grands édifices, tout un peuple de bâtiments plus modestes, chambres de métiers, maisons de guildes, hôtels seigneuriaux, simples demeures privées, témoignent de la vitalité du sentiment artistique et du goût pour les belles formes. Les quelques spécimens de façades en briques que Gand et Bruges ont conservés jusqu'aujourd'hui charment l'œil, autant par la douceur de leur ton rose ou brun que par l'élégance de leurs lignes et de leur ornementation. La sculpture. Si les ravages des iconoclastes au XVIe siècle ont détruit presque toutes les œuvres de la sculpture du Moyen-Âge, ce qui nous en reste suffit cependant pour nous donner une idée de son caractère. C'est surtout à Tournai que cet art s'est développé. Il a existé dans cette ville, dès le XIVe siècle, une véritable école de tailleurs d'images, dans les productions desquelles on surprend cette alliance du réalisme le plus prononcé et du sentiment mystique que l'on retrouvera plus tard dans la peinture. Bientôt, l'influence de Tournai se fait sentir en Hainaut et en Flandre. C'est à des Flamands que les ducs de Bourgogne confient les ouvrages de sculpture qu'ils font exécuter dans leur résidence. Du reste, les imagiers travaillent le bois avec autant de bonheur que la pierre. Quelques-uns des retables d'hôtels qui sont sortis de leurs mains sont de purs chefs-d'œuvre, par la finesse de la technique et par la vérité frappante des mouvements et des attitudes. Enfin, le seul spécimen important de la sculpture sur métal que nous ayons conservé de cette époque, le tombeau de Marie de Bourgogne à Notre-Dame de Bruges, par le fondeur bruxellois Pierre de Becquereux, 1496-1502, est une des dernières, mais des plus belles productions de la statuaire du Moyen-Âge. La peinture. Quel qu'ait été l'éclat de l'architecture et de la sculpture, on sait que celui de la peinture a été plus vif encore. C'est par elle que se sont le plus brillamment manifestées les tendances du caractère national. Elle manque sans doute de distinction et de noblesse. Les types qu'elle reproduit sont parfois assez vulgaires. Le contraste est frappant entre eux et ceux qu'a créé le pinceau d'un Fra Angelico et d'un Filippo Lippi. Mais, par la naïveté et la sincérité de l'inspiration, le sentiment profond de la nature, le réalisme sain et robuste, la beauté de la couleur, la précision du dessin, elle reste sans rivale. Les Van Eyck, les Rogier de la Pasture, les Memling comptent parmi les plus grands artistes de leur temps et de tous les temps. En outre, par les qualités dominantes de leur génie, ils sont bien de leur pays, et c'est dans leurs œuvres qu'à défaut d'une grande littérature, il faut chercher la plus parfaite et la plus complète expression de la civilisation des Pays-Bas à la fin du Moyen-Âge. Fin de la section 37.